Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. C'est le 29 mai. Aujourd'hui, les deux personnages principaux de cette fascinante histoire vont peut-être se rencontrer. C'est un beau jour de printemps, évidemment. Il y a une grève d'étudiants, évidemment. C'est le 29 mai. C'est le 29 mai. Aujourd'hui, les deux personnages principaux de cette fascinante histoire vont peut-être se rencontrer. Ils vont se rencontrer. Ils vont peut-être se rencontrer. C'est un beau jour de printemps. Un beau jour de printemps. C'est un beau jour de printemps. Évidemment, il y a une grève d'étudiants. Il y a une grève d'étudiants. Qu'est-ce que les deux personnages principaux de cette histoire vont faire aujourd'hui? Ils vont peut-être se rencontrer. Quelle sorte de jour est-ce que c'est? Quelle saison est-ce que c'est? C'est le printemps. C'est un beau jour de printemps. Quelle est la date? C'est le 29 mai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ce beau jour de printemps? Une grève d'étudiants. Mireille étudie à la Sorbonne depuis un an. Elle fait des études d'histoire de l'art. En ce moment, elle vient de sortir de l'Institut d'art et d'archéologie et elle se repose sur une chaise au jardin du Luxembourg. Mireille étudie à la Sorbonne. Depuis un an. Elle fait des études d'histoire de l'art. Elle fait des études d'histoire de l'art. Où Mireille étudie-t-elle? À la Sorbonne. Depuis quand est-ce qu'elle étudie à la Sorbonne? Depuis un an. Quelles études fait-elle? Elle fait des études d'histoire de l'art. En ce moment, elle vient de sortir de l'Institut d'art et d'archéologie. Elle vient de sortir de l'Institut d'art et d'archéologie. Qu'est-ce qu'elle vient de faire en ce moment? Elle vient de sortir de l'Institut d'art et d'archéologie. Et elle se repose. Elle se repose sur une chaise au jardin du Luxembourg. Au jardin du Luxembourg. Où est-elle maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se repose sur une chaise au jardin du Luxembourg.